Dialogue de l'unité 4. Métier et profession. Semaine 1 et 2. Aminatou est invité chez son cousin Lassen à la campagne. Le père de Lassen est cultivateur. Viens voir Aminatou. Papa est en train de travailler la terre. Il est cultivateur. Le métier de cultivateur demande beaucoup d'efforts ? Bien sûr, c'est un métier difficile. Papa commence son travail très tôt le matin et ne revient à la maison que le soir. Et toi, Aminatou, parle-moi de la profession de ton père. Mon père est médecin. Il soigne ses malades. Lui aussi travaille toute la journée à l'hôpital. Le métier de ton père et celui du mien sont nobles. Ton père soigne les malades et mon père soigne la terre.